J'ai vu mon reflet dans le miroir. J'ai mis des anciens refrains dans le tiroir. On tombe dans la cité, on est broliqué. Que Dieu me pardonne, j'ai braqué, forniqué. Liberté d'expression, comme Martin Luther. Jamais devant Catin, tu me verras me taire. Sous l'équipe nationale, repose dans un sauna. Si t'es perdu, allume ton GPS, direction la sauna. Ils sont terrorisés, armes de l'Est. Mémorisés, je vais tous les tuer, y'aura pas de jet. Je suis comme l'araignée, partout où je passe, je cite ma toile. Police aux frontières, avec 2 kilos de beurre que je passe la douane. Je construis mon avenir, des enfants, de l'argent, des embarques. Tu sais mon ami, dans la vie tu as les requins blancs et puis les tapas. Des fois tes amis te mettent des couteaux dans le dos. Tu crois peut-être que la clé du coffre est dans mon manteau. Je vis dans un cauchemar, j'ai rêvé d'une vie qui ne m'appartient pas. Si tu ne comprends pas, je danse sur un fil qui ne tient pas. Mon reflet, tu le sais qu'on dort bien quand on sait que tout roule et tout rentre. On passe notre vie à tout prendre, au final on va tout rendre. Des sous, ego, tous aveuglés, on nage dans le faux. Un chargement, ego, 3 kilos, ton équipe joue au Lego. Y'a plus de Gambino, un litron de pire, on envoie 2 pilotes. Des sous, ego, plus de bigot, en cellule pour des mythos. J'pars à Marbella, mes gars, c'est ma bella. Mon fils a 5 ans, il se perd dans sa villa. Y'a la piscine, pas d'imbécile, m'avoir c'est difficile. Allez niquer vos mères, je suis au bord de la mer, je suis comme au Brésil. On a charbonné comme jamais, dans le trafic ou pas, on a tapé. Continue de voir le marabout, ou lire dans les marques de café. Sur moi j'ai la graine de café, c'est mauvais parce que tu n'as pas fait. On a tiré là où t'as pas fait, on a raflé là où t'as café. On a charbonné comme jamais, dans le trafic ou pas, on a tapé. Continue de voir le marabout, ou lire dans les marques de café. Sur moi j'ai la graine de café, c'est mauvais parce que tu n'as pas fait. On a tiré là où t'as pas fait, on a raflé là où t'as café.